Est-ce que vous voulez commencer en... Je pense que vous vouliez nous raconter votre histoire. Oui, peut-être à partir du moment où je suis arrivée. Je suis arrivée ici en 2006. Quand je suis arrivée, j'étais très gênée. Et j'étais comme... Pour moi, c'était comme une faillite, là, pour moi, d'être sur le bien-être, pour commencer. Parce que moi, je faisais 42 000 par année. J'étais une assistante de direction. Je travaillais pour des présidents de compagnie. C'était... Vous êtes arrivée où? À Montréal ou... Oui, à Montréal. Toujours à Montréal. Et puis, j'ai été malade. Alors, suite à mes maladies, tu sais, on a du temps sur l'assurance maladie. Mais une fois que ça s'est écoulé, bien, il a fallu que je sois sur le bien-être. Alors... Puis, j'étais en dépression à cette période-là, donc ça a été assez difficile. Mais quand je suis arrivée ici, ils m'ont offert toutes sortes de services et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir avoir une place comme ça. Ici, chez Doris? Ici, chez Doris, oui. Parce que, par exemple, là, au niveau monétaire, comme j'étais habituée de faire 5 fois plus d'argent qu'avec le bien-être. Est-ce que vous aviez des idées des gens qui étaient sur le bien-être? Non. Puis, j'avais pas d'idée de quelle sorte de personne je trouverais ici. Tu sais, ça, là, c'était quelque chose... Mais comme je dis, la première fois, j'étais très gênée parce que je me disais... Moi, tu sais, on se fait toute l'impression là, que quand on est sur le bien-être, on est tous des gens qui sont pas cultivés, qui sont pas ci, pas ça, puis c'est pas vrai, là. Tu sais, c'est loin d'être vrai. Fait que finalement, je suis venue de plus en plus souvent. Ils m'ont aidée au niveau financier. Chez Doris, vous avez aidé? Chez Doris, ici, chez Doris. Depuis combien de temps? Ça fait depuis 2006. Donc, ça fait 7 ans que je viens. Puis, il y a les repas aussi, les repas gratuits. Ça, c'est important aussi. Ça fait aussi qu'on sort de l'isolement. Au lieu de rester tout seul chez nous, là, je me suis fait des amis. Puis, des gens que je vois à l'extérieur aussi, là. Tu sais, c'est que... Moi, j'ai rien de mauvais à dire sur chez Doris. Est-ce que vous vouliez parler un peu de ce qui vous est arrivé à environ 2006? C'est ça, j'avais un bon travail avec une... Comme assistante de direction chez une présidente de compagnie. J'ai eu une première opération d'urgence à laquelle je ne m'attendais pas. Puis, suite à ça, j'ai eu une autre opération dont, elle, je m'attendais. Fait que là, j'avais presque le poste, on me l'avait offert, le poste permanent. Mais là, vu que j'avais eu une opération d'urgence et que je savais que j'en aurais une autre, j'ai averti la présidente, puis j'ai dit... Tu sais, j'ai dit, elle m'a dit, tu sais, elle dit, je peux pas t'attendre. J'ai dit, je comprends, là, c'est normal. Fait que donc, là, j'ai perdu mon emploi. Et c'est comme je te dis, là, à partir de là, je me suis retrouvée sur le chômage, puis après ça, sur le bien-être. Est-ce que vous n'étiez pas en colère contre votre patron, qui vous avait dit qu'il ne pouvait pas vous attendre? Oui, mais c'est parce que c'est un emploi temporaire, là. Là, elle m'avait offert le poste en attendant de trouver quelqu'un. Sauf qu'elle me l'avait offert parce que là, elle était satisfaite avec moi. Sauf que là, c'était pas fait encore. Tu sais, il n'y avait pas eu de papier, il n'y avait pas rien eu de fait. Donc, tu sais, elle n'avait pas besoin. J'étais encore payée par l'agence, par une agence. OK? Donc, elle n'avait pas, elle n'avait pas d'obligation envers moi. Mais je pense que même si pour moi ça avait du sens, je pense que moi je serais peut-être un peu, je sais pas, déçue, peut-être en colère, mais vous, non? Pas en colère. J'étais très déçue parce que j'aimais l'emploi, j'aimais la personne pour qui je travaillais, mais j'étais pas en colère parce que de toute façon, je suis en maladie. C'est pas de sa faute là, si j'ai eu 2 opérations, une après l'autre. Puis ça, c'est long, là, me remettre des 2 opérations, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est 2 opérations qui étaient très douloureuses. Donc, j'ai été sur les médicaments pendant 6 mois de temps. Puis là, ça m'a mis en dépression. En tout cas, bref, là, ça a continué à mal aller. Puis c'est ça. Puis là, en 2006, j'ai été diagnostiquée comme étant bipolaire. Et suite à ça, on m'a donné des ressources. On m'a parlé de l'endroit ici. Alors, je suis venue ici. Puis tranquillement, j'ai utilisé toute leur... Ici, chez Doris. Et tranquillement, j'ai utilisé leur service, là. Vous venez tous les jours ici? Si je viens souvent? Je viens pas nécessairement très souvent, parce que c'est loin un peu de chez moi. Maintenant, je peux venir plus souvent parce que maintenant, j'ai le transport adapté qui appelle. Tu sais, fait que à ce moment-là, j'ai un taxi qui vient, qui m'amène ici, puis qui vient me chercher d'ici, puis qui m'amène chez moi. Parce que j'ai beaucoup de difficultés physiques. Alors là, maintenant, grâce à ce service-là, bien, je peux venir plus souvent. Est-ce que ça vous avait surpris à quel point toutes les choses se sont enchaînées après votre opération? Par exemple, le fait de perdre votre travail et puis ensuite? C'est sûr que, oui, c'est sûr que ça a été vraiment vite, mais comme je dis, à cause de l'opération, des deux opérations puis des médicaments, j'étais comme... je pouvais pas être dans ce genre de réflexion-là, OK, parce que j'étais pas bien. Fait que j'arrivais pas, je pouvais pas comme raisonner ma situation, mettons, parce que j'étais pas assez bien pour ça.